Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et on plonge dans la sphère, dans l'univers du 9e art. Et cette semaine, ben, en fait, je ne sais pas, des fois, de temps à autre comme ça, il y a des émissions un peu à caractère thématique qui émergent d'elles-mêmes. Et cette semaine, j'ai l'impression que le lien, que le fil rouge qu'on va suivre au fil de la prochaine heure, eh bien, sera un fil véritablement historique. En deuxième moitié d'émission, on aura le scénariste Michel Viau qui sera de passage, qui est aussi historien de formation d'ailleurs, et qui s'est intéressé à l'affaire Delorme. Alors peut-être que ça évoque quelque chose chez les plus vieux d'entre nous, donc l'abbé Adélard Delorme qui avait assassiné son frère Raoul. On est dans les années 20 au Québec, à l'époque ça ne se faisait pas, un prêtre ne peut pas assassiner personne, un prêtre ne peut pas faire de crime. Alors évidemment, les accusations qui avaient été portées contre lui avaient semé l'émoi. Ça avait été jugé inadéquat. Il y avait eu différents enjeux. Donc, d'un côté, on avait l'évolution de la science, de l'enquête, de la criminologie qui émergeait. La première fois au Québec, d'ailleurs, que la balistique était utilisée. Il y avait des policiers de New York qui étaient descendus. Et parallèlement, eh bien, on avait aussi un policier d'origine syrienne qui menait l'enquête. Alors, évidemment, tout ça a fait que le prêtre avait été lavé de tout soupçon, même après 4 procès, même après une panoplie de preuves ahurissantes. Bref, c'est complètement fou comme récit. Et on va jaser, évidemment, du travail de l'aspect historique de la chose avec Michel Viau, également de la mise en BD de tout ça. C'est évident. Et sinon, en première moitié, on reste justement dans la sphère historique. On va aller plonger dans l'univers de Félix Leclerc avec un album que nous a offert Christian Quesnel du côté des éditions de l'Homme, donc qui nous offre le parcours, un parcours de Félix. J'aurais envie de dire parcours du Félix vu et perçu par Christian Quesnel. Donc c'est un peu son regard, son interprétation. C'est comme ça que je le recevais. Évidemment, on va en parler avec lui dans quelques instants. Et à l'image, en fait, des autres albums qu'il nous a offert d'un éditeur à l'autre au fil des années, ça reste un objet d'abord visuellement superbe, adjoint d'une poésie touchante, et on avait très envie, et vous le comprenez bien, de vous parler de ce récit. Alors tout ça et plus cette semaine ici à La Vie en BD. Petit extrait de You Mean 2413 tiré de l'album Chip Simp Porta FM. C'est une compilation de Toy Company, en fait une firme de Montréal qui donne dans la 8-bit. On avait envie de vous en partager un brin, d'aller lorgner du côté de Montréal cette semaine, pourquoi pas. Alors donc on va se lancer maintenant dans notre première rencontre cette semaine. Christian Quesnel, donc auteur de cette Alouette en liberté disponible aux éditions de l'Homme, est avec nous en studio. Christian, bonjour. Salut Raymond. Alors j'ai l'impression en fait que c'est de ton Gatineau où tu vis, et ce récit-là, c'est plutôt la Gaspésie qui t'a amené à t'intéresser dans le fond à Félix Leclerc. Contextualisons d'abord justement la genèse de ce projet-là. Tu étais un beau jour au musée de la Gaspésie. Oui, écoute, j'étais en vacances. Tout simplement, l'été, on a décidé de visiter un expo qu'il y avait. Puis, c'était sur Félix Leclerc, mais axé sur le territoire, sur les grands espaces maritimes, sur l'est du Québec, que j'adore. Moi, mon lieu préféré, c'est vraiment dans le coin de Kamouraska, le bas du fleuve. J'adore ça. Écoute, je pourrais rester là tout le temps. Puis, écoute, c'est j'ai vu des, il y avait des hamacs, des balançoires où les gens pouvaient s'asseoir avec des écouteurs, écouter se balancer, puis écouter du Félix Leclerc. J'ai trouvé ça aérien. Ça m'a vraiment donné le goût, en fait, d'illustrer le Québec par le biais de l'œuvre de Félix. Parce que son œuvre, il en fait toujours, il fait toujours référence au territoire, à la lumière, aux gens du Québec. C'est ça qui m'a donné le goût. Félix Leclerc, c'est contagieux. Donc, je l'ai attrapé. Oui, puis en fait, on dirait que le fait peut-être justement de le retrouver dans un autre contexte, dans un contexte inattendu, ça force à porter un autre regard sur une œuvre que tout le monde connaît, à tout le moins de nom, en filigrane, sinon dans le détail. Et de le découvrir comme ça, ça amène une certaine inspiration. Ça donne une autre résonance, on peut dire. Ben, en fait, ça m'a donné le goût de le faire connaître à plus de gens. Parce que la découverte que j'en faisais, parce que je l'ai fait sur le tard, moi j'ai découvert, Félix Leclerc avec du Groovy Advark, en fait. Le petit bonheur des années 90. Sauf que c'était un flash, la Gaspésie. Puis à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller faire un projet là-dessus à un moment donné. Puis ça s'est présenté tout seul. Il y a une femme, une commissaire d'exposition au Pays de Galles, Mary Husted, qui m'a demandé de créer un livre accordéon. C'est une de ses amies, Marine McTeer, en fait, qui est la femme de Joe Clark, qui, tous les liens, hein, qui sont avec mon éditeur Art Global à l'époque. De fil en aiguille, ils m'ont contacté pour que je crée un livre d'artiste sur un livre accordéon. Puis je me suis dit, OK, ce livre-là, il est destiné à aller en Grande-Bretagne, en Inde, en Corée du Sud. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut partager vraiment de notre culture le plus possible? Je me suis dit, oh, Félix Leclerc. Donc, j'ai créé un premier livre d'artiste sur Félix. Et de là, j'imagine que ça devenait un peu une preuve de concept pour toi. Donc, on explore un peu les thématiques, les relents visuels de Félix. Après ça, on peut se dire, ben, OK, on pourrait pousser plus loin un peu, trouver un éditeur, puis aller avec un projet en bonne et due forme. Ben, le projet était tellement imagé au départ que l'œuvre de Félix est imagée. Le projet se devait de l'être. Puis la réaction des gens au livre accordéon qui est exposé à Ottawa, aux Archives nationales, a été très, très bien reçue. Puis par la suite, bon, il a voyagé, tout ça, mais c'est là que je me suis dit, je vais travailler avec un éditeur là-dessus. Puis je devais, en fait, j'adore les éditions de l'homme, mais je les connaissais pas à ce moment-là. Puis je devais travailler avec BD Musique, qui est à Paris, avec qui j'avais déjà travaillé, j'avais fait Beethoven avec eux, qui était sorti en 2016. Donc la suite logique, c'était de travailler sur Félix Leclerc, sauf que l'éditeur a eu des problèmes au niveau de la diffusion, tout ça, puis il était un peu sur pause. Donc je me suis reviré de bord, en fait, comme on dit, puis j'ai trouvé, écoute, j'ai soumis le dossier aux éditions de l'Homme. Je te mens pas, 55 minutes après, le téléphone sonnait. C'est fou, là. Ça a été un coup de cœur mutuel, en fait, parce que je suis tombé en amour avec cette équipe-là. Ils sont une quarantaine là-dedans, mais on dirait que je parle avec la même personne. Je sais pas quel outil de communication qu'ils utilisent entre eux, mais ça fonctionne. Un sait de quoi j'ai parlé avec l'autre, puis bon, ça fonctionne super bien. Puis tout le monde est enthousiaste. Quand je suis passé dans leur bureau, les gens étaient... écoute, il y a des gens, des employés avec qui j'avais pas fait affaire, qui sont venus me faire signer le livre parce que, bon, ils disaient que ça les avait touchés. Donc, je suis vraiment chanceux, là, d'avoir travaillé avec ces gens-là, en fait. Et là, on va contextualiser, j'aurais envie de dire, en fait, le Félix que tu nous partages, d'instinct, c'est ton Félix. C'est ta vision de Félix, c'est ce que tu as retenu de lui et du contact privilégié, dans le fond, que tu t'es accordé avec son œuvre. En fait, je crois qu'on a tous notre Félix. En fait, on a tous un contact privilégié avec Félix. Puis c'est très juste ce que tu dis, c'est mon Félix à moi que j'ai projeté sur papier. À travers la bande dessinée, le récit graphique. Parce que, ce Félix-là, moi, je l'ai vu dans les archives, mais je l'ai vu aussi un peu plus jeune, dans le film Les Brûlés. Pour moi, c'est aussi un fantasme des années 50, des années 60, des années 70 aussi. Moi, je suis né en 71, donc les années 70, j'ai un vague souvenir. Les années 60, pas du tout. Donc, tout ce que je connais des années 60, c'est dans la garde-robe de mon père. Il restait des chemises dans les années 70 qu'il y avait. Mon père garde ces choses longtemps. Donc, il y avait des choses comme ça qui me sont revenues. Puis, en même temps, j'avais le goût de revisiter ce que j'avais travaillé, ce que les gens n'ont pas eu accès à mon travail, c'est sur Claude Jutras. Parce que j'ai fait un album, un scénario, j'ai fait en bande dessinée un scénario complet de Claude Jutras. Il y a une couple d'années qui n'a pas pu être publié pour les raisons qu'on sait. Mais j'avais beaucoup aimé travailler là-dessus. C'est un projet extrêmement joyeux. Je travaillais sur les années 60 à ce moment-là. J'ai un peu réappliqué la même technique au niveau du collage, tout ça, dans Félix. Parlons peut-être justement un peu de la technique, puisque tu ouvres la porte, on reviendra un peu à l'univers de l'impact de Félix, mais au niveau de la technique, il y a une dimension de collage, tu le dis, et le visuel, dans le fond, est omniprésent, mais à l'intérieur du visuel, il y a le texte qui est sous-jacent, dans le fond, des lettres, des textes manuscrits de Félix aussi, qui fait que, dans le fond, on peut rien jamais dissocier de l'écrit, de la parole, au bout du compte, de Félix. et tes visuels en plus qui sont raccordés à des chansons de Félix aussi. Donc, j'ai l'impression que le collage, tu as essayé de le mettre au service de la multiplicité des paroles de Leclerc. Oui, puis la bande dessinée est un excellent médium pour faire ça, parce que la bande dessinée peut tenir 3-4 discours parallèles en même temps. Puis ils peuvent se compléter. C'est ça qui est intéressant, parce que l'image là-dedans parle à la chanson. La chanson parle au texte de Félix. Le texte de Félix parle aux images, à certains collages. Donc, puis la narration, elle, c'est le fil continu là-dedans. Sauf que les gens, ils ont accès à la pensée de Félix. Je travaille vraiment sous forme de collage à la fois plastique et au niveau des textes. Ce que j'adore faire, ce que j'avais fait d'ailleurs avec Ludwig, j'avais collé aussi des textes, des lettres de Beethoven à l'intérieur de Ludwig. J'ai utilisé exactement la même méthode pour Félix, sauf qu'au lieu de 100 quelques pages, c'était un petit 48 pages. Puis en même temps, il y a un plaisir, j'ai l'impression, à éclater d'un côté les modes de narration, les modes de lecture, à faire confiance au lecteur pour plonger un peu dans les différents niveaux ou simplement pour lui donner l'opportunité, parce qu'on multiplie les langages à l'intérieur du même objet, de s'immerger vraiment dans l'univers poétique dans lequel tu nous invites. Là. Oui, j'ai tendance à faire beaucoup confiance au lecteur, quitte à en perdre quelques-uns. Ça fait partie des choix que j'ai faits. Puis, c'est totalement assumé. Je pense que les gens maintenant sont tellement... Écoute, je regarde mes filles, ils regardent un film, puis ils sont en train de texter à quelqu'un, ils suivent très bien, je leur pose une question, ils répondent. Donc, ils sont capables de faire 2-3 choses en même temps. Puis le lecteur, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Souvent, moi, je lis des œuvres où je suis déçu en cause que ça m'ennuie. Ça m'ennuie terriblement parce que je ne suis pas stimulé. On ne fait pas appel à mon intelligence. Puis j'ai plus la télé, moi, depuis une dizaine d'années, justement pour ces raisons-là. Parce que je suis curieux. J'écoute beaucoup les médias français parce que les médias français, il y a un débat intellectuel, il y a une rhétorique, il y a quelque chose qui se passe, il y a tout le background, l'histoire, tout ça. Tout est attaqué de front, mais on prend les gens pour acquis là-dedans, je veux dire, dans le sens qu'ils ont la culture nécessaire pour aller de l'avant avec ça. Puis je pense que, bon, la réponse du public a été très bonne pour Félix puis pour Ludwig, donc c'est payant de faire confiance au lecteur. Oui, parce que, en fait, j'ai l'impression que l'ambiance dans tes livres est tellement forte que, consciemment ou inconsciemment, même si justement on perçoit pas d'entrée de jeu ces niveaux-là, on voit quand même, il y a quelque chose dans l'ambiance qui va venir nous chercher. Il y a quelque chose dans Félix aussi où c'est une bande dessinée où on est obligé, j'ai l'impression, de prendre un temps d'arrêt, de s'asseoir, de passer un moment avec cette BD-là. C'est pas quelque chose d'une lecture de coin de table et le reste, c'est une lecture de fauteuil où on peut prendre le temps justement de s'immerger. Il s'appelle à ça. Oui, il y a quelque chose de l'intime dans cette œuvre-là. Mm-hmm. Puis, écoute, c'est drôle qu'on se parle de ça, parce qu'il y a une journaliste à TVA, à LCN, qui me dit ça juste avant une entrevue. Puis, elle me dit la même chose que mon attaché de presse aux Éditions de l'Homme. Elle dit « J'ai passé la nuit avec toi. » J'ai dit « Je suis sauté dans les airs. » Je me dis « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, finalement, c'est ça. Ils sont endormis avec le livre, en fait, parce qu'ils l'ont feuilleté, ils l'ont refeuilleté, jusqu'à temps qu'ils tombent endormis avec. Donc, il y a quelque chose de l'intime. Puis, il faut dire aussi, Félix, c'est quelque chose qui vient nous chercher dans nos tripes. Oui, puis tu l'as dit tantôt, en fait, si tu nous offres ton Félix, ton interprétation, c'est qu'à travers, dans le fond, ton regard sur cet artiste-là et sur ce qu'il a apporté dans l'identité québécoise, tu te livres aussi à travers une certaine réflexion sur l'identité, à travers tes perspectives, à travers ce que tu en as retenu. Donc, tu nous amènes dans ton intimité à travers Félix aussi, qui est le centre de cette rencontre-là, dans le fond. Oui, ben écoute, je me suis concentré, comme je le disais, sur la nature, sur comment Félix image la nature, comment Félix traite son imagerie au niveau de la nature dans son œuvre, mais aussi son humanisme. Moi, c'est une valeur que j'ai beaucoup. C'est quelque chose sur lequel je pousse beaucoup. Je fais la comparaison encore une fois avec Ludwig. Beethoven, c'était un humaniste, c'était quelqu'un du siècle des Lumières. Et Félix, c'était quelqu'un de profondément humaniste, qui pouvait être humaniste, ça veut pas dire... être naïf ou quoi que ce soit, c'est simplement une ouverture vers l'autre, un partage avec l'autre, en autant que l'autre en face est ouvert. Je veux dire, c'est ça, c'est juste ça. Puis je voulais mettre ça de l'avant aussi, parce que Félix a été quelqu'un de profondément ouvert, puis les gens se sont ouverts à lui. Il a influencé des gars comme Brel, comme Brassens. C'est quand même incroyable, là. Je veux dire, les Québécois, on a une histoire incroyable, puis on dirait à un moment donné, on s'est coupé, puis on s'est dit, on peut plus faire de grandes choses nécessairement. Mais Félix nous a montré la voie à ce niveau-là. Il était capable, lui, partir seul avec sa guitare, son pied sur le tabouret, puis il s'est mis à chanter, puis là, il a complètement bouleversé la chanson française à ce moment-là. Exact. Puis dans le fond, de l'amener à travers ce récit-là, de nous faire prendre conscience ou reprendre conscience de cet impact, de ce parcours-là qui est unique. Et à travers ça, découvrir un peu ce Félix-là, à travers cette intimité-là, j'ai l'impression, à travers l'idée de miroir, socialement, pour la société québécoise, le miroir de ce qu'on a été, le miroir de ce qu'on a pu être et le miroir de ce qu'on peut toujours être aussi. Je pense que, justement, l'œuvre de Félix traverse des préoccupations qui sont tellement proches, qui étaient tellement proches des gens à l'époque. Les gens ne changent pas tant que ça, malgré tout ce qu'on veut. On est resté profondément des humains, en fait. Puis Félix interpelle l'humain en nous. Il nous fait. On parlait de faire confiance au lecteur. Je pense que Félix faisait confiance aussi aux gens. Puis, parce que Félix fait carrément rentrer la chanson dans la cuisine des gens de l'époque, tout ça. Puis aujourd'hui, je veux dire, son humanisme, son côté, le côté environnemental qu'on peut déceler dans son œuvre, cette quête de liberté-là, elle est importante aujourd'hui. Oui, les personnes, les enjeux, comment je pourrais dire, les personnages autour des enjeux ont changé, mais les enjeux demeurent les mêmes aujourd'hui. Oui, puis les réalités du Québec se transforment pas. Je veux dire, l'hymne au printemps aujourd'hui, puis il y a 50 ans, ça reste un hommage aux forces de la nature, au parcours. Les souliers restent les souliers. Il y a quelque chose d'intemporel dans certains éléments de ce que Félix a choisi, et d'autres éléments, je pense à l'Alouette en colère ou autres, ou des éléments comme ça qui sont ancrés dans une époque précise ou dans une colère, dans un moment, dans un instant, et dans des périodes de choix où on fait le choix de ce qu'on va devenir aussi à travers cette colère-là. Oui, il y a une façon de voir les choses comme si on... En fait, Félix avait une vision du développement du Québec, de l'avenir du peuple du Québec. Puis cette vision-là, elle est encore partagée par beaucoup de gens. Mais même si on partage pas ces opinions-là, je pense qu'aujourd'hui, on est en voie de se demander où est-ce qu'on va. Puis se recentrer sur certaines choses. Présentement, je suis en train de travailler sur un projet. Je me tape beaucoup de livres d'histoire au niveau de la Nouvelle-France. Puis, écoute, je suis tombé sur une politique de natalité de Jean Talon à l'époque qui a fait un boom carrément au niveau démographique au Québec à ce moment-là. Pourquoi pas s'en inspirer? Pourquoi pas aller puiser dans notre propre histoire? Pourquoi vouloir absolument faire comme tel peuple, tout ça? Parce que les peuples sont pas interchangeables. On est ce qu'on est. Puis on n'est pas des Français, on n'est pas des Américains, on est peut-être quelque chose comme des Québécois, puis on a notre façon à nous qu'on peut envisager, où on peut se projeter dans l'avenir. Puis je pense que grâce à l'œuvre de Félix, entre autres, comme beaucoup d'autres choses, comme l'œuvre de Jutras, comme l'œuvre de Riopelle, en fait, on peut se projeter vraiment dans l'avenir, parce que ces gens-là étaient complètement libres au niveau... Ils n'étaient pas intoxiqués par tous les médias qu'il y a aujourd'hui au niveau de la télévision, tout ça. Oui, puis en fait, c'est pour ça aussi que tu choisis le titre « L'Alouette en liberté » plutôt que le titre de la chanson elle-même. Donc, l'esprit libre-penseur de Félix Leclerc, c'est quelque chose que tu as choisi de mettre de l'avant à travers ce titre-là, puis dans le fond, qui vient influencer les choix d'éléments narratifs que tu as été chercher, parce qu'on a parlé du collage dans le visuel, mais aussi dans les textes. En fait, il y a un côté narratif, il y a des extraits d'écrits de Félix, il y a les chansons qui sont évoquées à travers tout ça aussi. Donc, dans la parole, dans le verbe, il y a aussi une dimension de collage. Il y a une dimension de collage. Juste pour, Félix, quand il mentionne à un moment donné, il y a une phrase qui mentionne « Quand l'arbre tombe, il fait deux trous, celui dans le ciel est le plus grand. » Moi, j'ai choisi cet extrait-là pour justement parler de sa propre mort à lui, parce qu'il a laissé un trou béant au niveau du monde culturel. Donc, il y a plusieurs paroles comme ça que je me sers. L'hymne au printemps, quand je l'ai fait, j'ai pensé justement aux crues printanières, parce qu'il y en a presque à chaque année dans mon village à Saint-André-Avelin. Donc, écoute, c'est tellement... quand on dit qu'on s'approprie Félix, là, c'est ça. On voit l'hymne au printemps, puis on voit dans notre propre monde, autour de... À l'intérieur de 2 kilomètres de chez moi, je vois ce que Félix parle, en fait. Et au niveau visuel... Première réflexion, dans le fond, la dominante du bleu qui est omniprésente dans la plupart des pièces, c'est jouxté de tons de terre, on va vers le gris, le noir, un peu de vert, sauf trois exceptions en fait, Moi, mes souliers, Le petit bonheur, où là on est vraiment dans un jaune ensoleillé, et il y a la fille de l'île qui est un rouge de colère, en fait, je le perçois un peu comme ça, mais nonobstant ces trois-là, c'est vraiment tout en bleu, en fait, ou presque. Oui, en bleu, quand je parlais des grands espaces, c'est la mer, c'est l'île d'Orléans, c'est le ciel, c'est pour moi, c'est le bleu. Le bleu domine. Quelqu'un me dit, ah, oh, quand tu me parlais de Félix, je m'attendais à voir beaucoup de vert en cause de la nature. Mais finalement, pour moi, c'était les grands espaces. Le vert, il est présent à certains endroits, mais oui, le bleu, pour moi, c'est une couleur qui représente bien Félix. Puis en même temps, c'est le bleu sur le drapeau. Donc, le drapeau était sur son cœur. L'armée dans ses feuilles. Oui, puis il y a quelque chose de calme. En fait, on parlait tantôt de l'aspect immersif du livre. Le bleu, c'est pas une couleur agressive. On dirait que c'est un livre apaisant. C'est pas un livre de colère, ouais. En fait. Oui, c'est effectivement, c'est un livre totalement... vous voyez, quand une feuille est portée par le vent, par une petite brise, puis elle se dépose doucement, c'est un peu cette façon-là que je voulais aborder ce livre-là. La nature est d'un bout à l'autre de ce livre-là, puis elle en est une source d'inspiration. Donc, c'est vraiment... c'est tout en douceur. C'est pour ça, je pense, que les gens peuvent prendre le livre, prendre leur temps, comme tu dis, puis vraiment s'approprier chaque page, des fois rester plus longtemps sur une page. Mais c'est, faut pas se tromper, c'est une bande dessinée pour moi, mais on peut mettre la sous-classe, si tu veux, récit graphique, parce que ça n'utilise pas tous les leviers de la bande dessinée, en fait. Et le livre s'expose, en fait, c'est toujours, si on définit un peu la structure pour les gens qui ne l'ont pas et qui ne sont pas en librairie en train de nous écouter, ben dans le fond, c'est des deux pages. Chaque page double, dans le fond, est inspirée d'un point de vue visuel d'une chanson. D'ailleurs, les chapitres sont listés à la fin pour compléter un peu les référents et les éléments de texte aussi qui s'ajoutent à ça. Et chaque page... à la limite d'un point de vue visuel, existe en relation avec les autres, mais existe en elle-même aussi. Et je pense, en fait, on passe de différentes ambiances à d'autres. Je pense, par exemple, entre autres, dans les images qui m'ont frappé, l'omniprésence des bois, la composition de l'alouette en colère qui est, dans le fond, on est face à une forêt de bouleaux. L'image en est remplie, très verticale. Il y a simplement Félix dans un coin qui est là avec ses cheveux qui se métissent en arfant des neiges. Donc, il y a une relation particulière avec cette page-là où d'un côté, on sent qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, peut-être un peu, mais on sent un mur, une oppression presque à travers la forêt puis les bouleaux qui sont là, qui tranchent très verticaux. Là, c'est vrai, il y a quelque chose là. Puis il faut dire, tu me fais penser, parce que quand j'ai, en fait, l'ordre, les chansons qui ont été choisies pour créer... chaque double page, c'est vraiment en fonction d'un concert symphonique qui a eu lieu avec l'Orchestre symphonique de Gatineau le 6 avril dernier. On était en résidence, Geneviève Duong, Alexandre Berthier et moi. Geneviève Duong, qui est une danseuse contemporaine de Québec, et Alexandre Berthier, qui est un artiste en vidéo. On était en résidence au BIC, où d'ailleurs, on a passé une soirée avec Voro, Vincent, c'était super chouette. Puis, écoute, le livre est carré, mais le livre ouvert, c'est un beau rectangle qui ressemble beaucoup à un écran. C'était fait pour ça, pour le concert. Donc, dans la forêt de bouleaux dont tu parles, ça a été créé pour laisser des vides. Puis Alexandre Berthier, lui, a placé la danseuse qui dansait à travers la forêt. Donc, ça, c'est vraiment aussi... c'est la base d'un show multimédia qui a eu lieu là, à Gatineau en avril dernier. J'espère qu'il va en avoir ailleurs, mais je le sais pas, mais... Bref, il y a toujours ce côté pesant-là. Même quand j'essaie de faire quelque chose de léger, je parle de petites feuilles tantôt avec le vent, c'est toujours lourd. Veux pas, ça fait partie de mon travail, je pense. Oui, puis en fait, puis je parle de mise en relation aussi entre les épisodes. Ben, t'as la fille de l'île, justement, avec la page plus rouge, plus colérique à la limite. Et par après, dans le fond, on se retrouve avec Demain la mer, où on tombe dans la contemplation, l'océan, et où le rouge est absorbé un peu par un bateau et s'efface tranquillement. Donc, je trouvais que même en passant d'une plage à l'autre, on réussit à nous amener... tu places quand même une ambiance très forte avec la fille de l'île et de réussir à la récupérer par après, nous ramener ailleurs, mais en continuité justement avec le discours visuel que tu nous avais introduit. Mais je pense qu'il faut... oui, il y a une certaine lourdeur, j'en suis conscient de plus en plus dans mon travail. Puis j'essaie d'emmener un côté plus léger, plus aérien, justement. Tout ça pour justement amener la mesure de quand c'est lourd, bon, mais ça l'est, mais regardez, l'équivalent est à côté. Moi, je suis beaucoup en quête d'écrire à plusieurs mains, en fait. Parce que, bon, j'ai mentionné, j'ai fait ça en résidence, l'ordonnancement du concert, donc c'est devenu la colonne vertébrale du livre en même temps. Donc ça a été écrit d'une certaine façon avec Geneviève Douang qui a choisi les chansons comme hymne au printemps. C'est au début du livre, donc ça correspond au printemps de la vie de Félix. Des choses comme ça, l'île d'Orléans, bon, c'est à la fin, ça correspond à la fin de la vie de Félix. Donc il faut quand même, il y a des périodes de la vie de Félix qui n'ont pas été jojo, dont la crise d'octobre, dont la, surtout, je pense, la défaite du référendum de 80. Avec lequel tu ouvres l'album, d'ailleurs. Oui, je pense que je voulais évacuer ça tout de suite, parce que ça, c'est quelque chose... Je ne pouvais pas emmener d'autres équivalents que ça dans le livre au niveau de... Ça, c'était le côté noir, puis je ne pouvais pas avoir un blanc aussi blanc que le noir et noir dans ce cas-là. Donc, je préférais commencer comme ça, puis après ça, on lâche la pression. Puis on poursuit le livre. Avec ce ressort dramatique-là, je trouvais qu'on amorçait bien le livre, puis on évacuait déjà le référendum de 80. Oui, puis tout dans un équilibre où aussi, parce qu'on a parlé de différents médiums, mais je pense qu'on peut pas passer à côté de la photo qui a inspiré certaines images, certains visuels que tu as créés à partir d'images photographiques. Tu as eu accès à des archives presque privées aussi dans tout ça. Donc... Oui, ben c'est ça. Je suis entré en communication avec Martin Leclerc aussi, le fils aîné de Félix. Il a fallu que j'obtienne la permission de tous les photographes. Tous les photographes étaient enthousiastes par rapport à ça. Même le Soleil de Québec, qui habituellement charge un bon prix pour les photos, ils étaient vraiment enchantés. Donc, ils nous ont laissé les droits avec enthousiasme. Puis, mais je travaille toujours à partir de photos. Toujours, parce que je travaille de plus en plus d'une façon hyper réaliste. Puis, j'ai besoin de photos. C'est sûr que des fois, je donne une expression particulière, comme tu le mentionnais tantôt. On ressent, il y a des ambiances très fortes à l'intérieur de certaines planches. Mais écoute, quand je me suis surpris, à un moment donné, je dessinais sur ma table, j'étais sur ma table à dessin. Puis j'étais en train de dessiner Félix avec une expression, puis là je me suis dit, hey, j'ai la même expression. C'est bizarre, mais en même temps c'est un peu normal aussi, parce que on ressent, moi en tout cas, ce que je dessine en fait. Et puis c'est enfin on revient un peu à notre piste, à notre porte de départ dans le fond, où si on offre sur ton Félix ton intimité, ta perception, donc nécessairement on entre dans cette intimité là, donc nécessairement on offre une expérience qui dépasse chaque élément pris séparément dont on parle, et qui devient aussi en relation avec l'histoire, soit l'intimité à travers les photos dont on parle, soit des moments, des icônes. Je pense par exemple à un point levé à un moment donné qu'on a vu, des images rattachées à différentes crises, ou des moments politiques que tu vas chercher parce que elles sont incontournables et que même en elles-mêmes, elles ont une portée, une signification qui vient apporter la signification de l'ensemble aussi. Oui, ben, il y a beaucoup de couches. On parle de collage. Là, il y a vraiment énormément de couches. Il faut ajouter à ça la collaboration avec les autres porteurs des autres médiums, en fait, dont la danse contemporaine, la vidéo, l'orchestre symphonique, mais aussi la mémoire de la main, en fait. J'aime beaucoup, c'est Deleuze à un moment donné qui parle de ça, Gilles Deleuze, il parle de la mémoire de la main, comme si la main portait en elle un souvenir de tout ce qu'on a été. Puis c'est un peu beaucoup de dessinateurs qui disent moi, je vends ce dessin-là tel prix, c'est parce que c'est pas juste le dessin, c'est toutes les années qui est derrière ça. Puis ma main, elle a une mémoire. Là. Dans Félix, il y a Jutra, il y a Beethoven, il y a toutes sortes de choses. C'est peut-être pour ça qu'il reste une certaine pas une lourdeur, j'aime pas ça dire ça, mais une certaine, je trouve pas que le terme lourdeur, ça s'applique là-dedans. Parce que, mais je comprends qu'on n'est pas dans la légèreté non plus, mais il y a comme on a les pieds au sol, mais on c'est comme si on avait les pieds au sol, mais on souhaitait s'élever. Mais tu sais, d'un côté, puis on était comme un peu tiré entre les deux aspects, entre les deux éléments, ou je sais pas. C'est peut-être le fait de mettre plusieurs couches superposées. Mm-hmm. Pourquoi je mets autant de couches superposées, c'est parce que je reviens à ce que je disais tantôt. Des fois, je vois une œuvre, puis c'est tellement, il y a juste le premier degré, puis ça m'emmerde profondément. J'ai aucune motivation intellectuelle ni au niveau des sentiments par rapport à cette œuvre-là. Puis je veux en donner au lecteur. Puis j'espère que la gouttière, justement, l'espace du lecteur, fait le travail entre les émotions que je veux transmettre. Oui, ben en fait, c'est peut-être un peu la différence entre une relation fugace, l'instant qu'on va passer avec une œuvre, et le fait que l'œuvre, on revient à elle parce que, justement, elle nous offre un contexte particulier, une relation particulière avec le créateur, une livraison particulière, et qui fait qu'un ouvrage comme L'Alouette en liberté, ben on y revient, ou on la feuillette comme tes journalistes, dans le fond, pendant une nuit, jusqu'à temps de jusqu'à plus capable parce qu'il y a quelque chose qui appelle à ça. Mais tu t'es pas endormi avec la lumière. Moi, non. Quand même, ça va. Et ben, en fait, on en parle comme ça, mais je pense que la meilleure manière, là, si vous passez du côté de votre libraire préféré, jetez un coup d'œil à l'album, vous allez comprendre et peut-être mieux contextualiser les différentes portes qu'on a ouvertes au fil de la discussion. Et Christian Quesnel, en fait, je mentionne au passage, en fait, t'as une flopée d'albums dans la dernière année. Chez moi, le graphique, entre autres, celui-là aux éditions de l'Homme. Alors, j'ai l'impression qu'on va être obligé de se donner un autre rendez-vous, peut-être en ouverture de saison prochaine, pour rester un peu dans cette mise à jour-là et peut-être rattraper justement tes autres publications chez moi, le graphique. C'est toujours un plaisir, mon cher. Alors, Christian, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle en fait l'ouvrage dont on a parlé au fil de la dernière demi-heure s'appelle Félix Leclerc, L'Alouette en liberté. C'est de Christian Quesnel, c'est du côté des éditions de l'Homme. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur le web, entre autres sur notre blog lavieenbd.wordpress.com, également sur Facebook, facebook.com/laVieenBD. Et on poursuit sur notre thématique inopinée de cette semaine, donc thématique un peu historique. Alors après s'être plongé dans la vie, dans l'impact, dans l'influence de Félix Leclerc, eh bien maintenant on va aller dans un tout autre terrain. On va aller plutôt du côté du Québec des années 1920 et on va aller explorer l'affaire Delorme, une affaire qui avait été fortement médiatisée à l'époque, qui avait tiraillé le Québec de manière fort particulière. Et ben pour en jaser avec nous, on est en compagnie du scénariste de la BD L'affaire Delorme, dessinée par Grégoire Mabi, c'est chez Glénat, et donc Michel Viau est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, tu nous amènes, Michel, dans une histoire, dans un contexte bien particulier, à un moment où, si on met les deux grands changements amorcés dans tout ça, donc d'un côté, c'est extrêmement rare d'accuser de meurtre un homme d'église, et de l'autre, c'était aussi la première enquête au Québec où on utilisait la balistique. Entre autres, oui, c'est la première fois que lors d'un procès, la preuve balistique était présentée. C'était le célèbre docteur Wilfrid Derome qui avait étudié la balistique à Paris et qui avait appliqué donc cette méthode-là pour la première fois. Ben, c'est la première fois, pas seulement au Québec, à Montréal et au Québec, c'était la première fois en Amérique du Nord qu'on utilisait la preuve balistique dans un procès. Oui, il y avait des gens de New York qui étaient descendus pour... Exactement. Il y avait des policiers de New York qui sont venus pour entendre les explications du docteur de Rome. Et ensuite, le docteur de Rome s'est rendu là-bas pour les aider à créer leur propre institut médico-légal. Et l'autre élément, évidemment, c'est la question de la foi. L'homme d'église ne peut pas tuer quelqu'un, voyons. Et ça donne une résultante, en fait, avec une suite de procès dans cette enquête-là qui est hallucinante. Je veux dire, la réalité rattrape la fiction dans l'affaire de l'homme. Oui, c'est tout à fait délirant, là, si je peux dire. C'est incroyable comme histoire parce que, bon, ça allait à l'encontre de toutes les valeurs de l'époque. Bon, un homme d'église est supposé représenter la bonté, la droiture, l'honnêteté, tout ça. Et là, on se retrouvait dans une histoire où le prêtre aurait tué son propre frère pour toucher un héritage, donc pour récupérer l'argent familial. Et l'enquête a montré que le prêtre qui gérait la fortune pour son jeune frère avait pigé dans l'argent, là, avait des goûts luxueux et avait une vie un peu dissolue. Et c'est le genre de truc où on se dit, mon Dieu, c'est une histoire fortement québécoise, parce qu'il faut se reporter dans l'esprit, dans l'ambiance de l'époque, la domination du clergé et le reste. C'est le genre de truc, j'ai l'impression, qui est très local, qui n'aurait pas pu arriver dans un contexte autre ou si peu que le Québec des années 20, par exemple. Exactement, exactement. Oui, c'est sûr que ça n'aurait pas pu arriver dans une société comme, mettons, en France, où la société était plus laïque, où la religion avait moins de poids dans la société civile. Et c'est la même chose dans le Canada anglais ou même aux États-Unis. Mais au Québec, le clergé catholique avait mainmise sur tous les aspects de la société, sur toute la vie social, et donc c'était un genre d'histoire qui ne pouvait pas faire autant scandale là, ailleurs qu'ici. Là. C'est vraiment, là, ça a divisé le Québec entre les gens qui, parce qu'il y avait quand même un courant libéral qui existait. Donc il y avait des gens qui, eux, se considéraient seulement que la preuve, ils disaient oui, c'est le prêtre est coupable, et d'autres pour qui c'était absolument impossible, c'était absolument inconcevable qu'un prêtre puisse être coupable. Et ça nous amène à des situations particulières, du harcèlement, de l'intimidation presque de certains, oui. des prières en chaire pour que le prêtre soit pas accusé. En chaire et à l'école, on faisait prier les enfants pour libérer le pauvre abbé de Lorme des griffes du policier Farallageois. Et donc en chaire, les prêtres faisaient de même, là, incitaient les gens à prier pour le pauvre prêtre. Et donc, on peut comprendre, Michel Viau, en jasant comme ça du contexte de l'enquête, je pense que j'ai pas vraiment besoin de te demander qu'est-ce qui t'a attiré, à toi et Grégoire Mabille, dans cette histoire-là, dans cette proposition-là. Mm-hmm. Oui, ben c'est ça. C'est une situation vraiment... C'est un événement vraiment très particulier. Moi, j'aime les histoires policières en partant. Et ça, cette histoire-là, elle a de quoi frapper l'imagination. C'est-à-dire qu'il y a un prêtre qui était accusé d'un meurtre en partant, et que ça a pris ensuite 4 procès pour aboutir à un jugement. C'est vraiment une histoire là, qui est fabuleuse. Là. Et toi, tu avais été en contact avec cette histoire-là un peu par le biais de ta famille, par le biais de la télévision ou autre? Tout ça. En fait, tu vois, mon père est né dans ces années-là. Mon père est né en 1923, donc pendant l'affaire de Lorme. C'est sûr qu'il était trop jeune pour y avoir assisté ou quoi que ce soit, mais dans les années qui ont suivi, ça se parlait. Donc, c'est une histoire que lui connaissait et il m'en avait déjà parlé. Ensuite, il y a eu les grands procès dans les années 80-90. Il y a eu un épisode qui portait sur cette affaire-là. Et puis, plus récemment, alors que j'écrivais l'ouvrage BDQ, Histoire de la bande dessinée au Québec, des origines à 1979, je regardais les bandes dessinées de Benoni qui paraissaient dans la presse, et c'est une série qui a commencé à apparaître en 1922, et on l'annonçait en couverture, l'arrivée prochaine de Benoni, qu'on présentait comme étant le neveu du Palais des Bauges, qui était une vedette là, du journal à l'époque, donc les histoires de Benoni. Et à un moment donné, à côté de cette petite publicité-là pour Benoni, il y avait un article qui parlait de l'affaire de Lorme. C'est le moment où l'abbé a offert une récompense de 10 000 $ à qui aiderait à trouver le coupable, là, le meurtrier de son frère. Donc, ça m'est revenu encore à l'esprit à ce moment-là. Et puis, chez Glénat Québec, j'ai proposé cette histoire-là au directeur, Christian Chevrier. Je lui ai proposé de faire une bande dessinée avec cette histoire-là. Il a embarqué tout de suite. Il avait entendu lui aussi parler de cette histoire-là. Et il a embarqué tout de suite et on a engagé Grégoire. Là, on a convaincu Grégoire. On lui a dit, et puis, que c'était son premier album. Il a d'ailleurs fait... un travail remarquable. Pour un premier album, il y a 850 pages à faire. C'est quand même un peu intimidant pour un premier livre. Donc, je lui tire mon chapeau parce qu'il a vraiment fait un bon travail. Il y a une reconstitution de Montréal, les tramways, les édifices publics, la gare Windsor, la morgue de Montréal, le poste de police, tout ça. Donc, il a fait un très bon travail. Donc, c'est ça. Donc, c'est une histoire que je connaissais depuis très, très longtemps. Et je suis content de pouvoir l'avoir faite en bande dessinée, de faire connaître cette histoire-là à plus de gens, parce que je m'aperçois que, pour moi, c'était comme une histoire très connue, mais je m'aperçois que, pour bien des gens, c'est une nouveauté. Et j'ai l'impression, Michel, en fait, que le Michel scénariste a aussi engagé le Michel historien dans cette job-là, parce que, dans le fond, l'affaire de l'Orme me semble, en fond, issue d'une grosse recherche historique, et je pense que tu en as parlé dans certaines entrevues. Donc, d'un côté, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, mais qui se contredisent, et il a fallu essentiellement que tu retournes dans les journaux de l'époque pour aller bâtir un peu le récit, donc vraiment une recherche historique formelle qui a été à faire. Oui, oui, bien, j'aurais pu aller encore plus loin en allant fouiller dans les dossiers policiers carrément, là, les dossiers judiciaires. Je me suis contenté quand même de lire les articles de journaux, mais j'ai lu plusieurs ouvrages, et même Farah Lajoie, qui avait écrit, j'en parle dans l'album, qui a écrit un livre pour raconter son enquête, même lui se trompe dans les dates. Il y a des dates qu'il met que c'est impossible, là, ça marche pas. Fait que donc, il y a des contradictions un peu partout. Et donc, je suis retourné dans les journaux pour voir à quel moment c'est arrivé. Et là, je devais faire attention, est-ce que c'est un journal du jour ou un journal du soir, pour savoir si ce qu'on arrêtait s'était passé le matin, donc le jour même, ou si ça s'était passé la veille. Donc, j'ai dû reconstituer là les événements comme ça. Et à cette époque-là, c'était très différent d'aujourd'hui. Hein. Les journaux mettaient les noms des jurés, on mettait leur nom, leur adresse, on disait qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, on avait leurs photos dans le journal, et tous les témoignages étaient retranscrits. Là. La Patrie retranscrivait pratiquement en verbatim les témoignages, ce qui était dit en cours. Fait que je me suis fié là-dessus, et même certains passages, certaines petites répliques des personnages, parfois je condensais, mais parfois là, c'est exactement là, ce que la personne avait dit pendant son témoignage. Et à ça, ça veut dire aussi que le récit, justement, on y va avec les personnages réels, avec les situations réelles, donc une base historique très forte. Et tu as choisi de ne pas trop inventer non plus de personnages. En fait, je pense qu'il y a deux ajouts, deux journalistes, l'un anglophone, l'autre féminin. Il y a deux personnages qui sont fictifs, un policier francophone, un jeune policier qui accompagne Farah Lajoie, parce que je voulais pas faire de Farah Lajoie un personnage fictif et inventer des choses qu'il aurait dites ou qu'il aurait faites. Ce qui est raconté dans l'album, c'est des choses qui sont dans les différents ouvrages que j'ai lus, dans les articles que j'ai lus. Donc, c'est c'est plus ou moins exact, là. C'est plus ou moins réel. Et c'est le jeune policier qui est le témoin, qui lui fait le lien, si vous voulez, là. Qui est le témoin de ce qui se passe. Et il raconte à la jeune journaliste, qui, elle, est issue d'un milieu anglophone. Donc, on a un jeune francophone qui est policier, issu d'un milieu modeste, et on a une journaliste anglophone issue d'un milieu plus aisé. Et à travers ces deux personnages fictifs-là, ça me permettait de donner différents points de vue de la société de l'époque, comme le jeune policier qui est d'un milieu francophone, catholique, ses parents, sa mère n'est pas contente de ce qu'il fait. D'accuser un prêtre de meurtre. De l'autre côté, on a le côté anglophone où ils n'en reviennent pas de voir comment les francophones catholiques agissent envers ce prêtre-là, qui pour eux, c'est évident qu'il est coupable, et de voir que ça tergiverse et que des gens qui le croient innocent, pour eux, ça les dépasse. Mmh. Et donc, oui, ça devient nécessaire parce que c'est tellement basé sur justement le statut de l'homme, tout ça. Donc, il faut aller chercher d'autres points de vue pour bien nous faire saisir le contexte de l'époque et l'importance de ces statuts-là et la résonance que ça va avoir dans différentes communautés, dans différentes perspectives. Exactement. Par ces personnages-là, je pouvais synthétiser un peu qu'est-ce qui se disait dans différents éditoriaux, dans différents journaux, et donc le synthétiser et pouvoir présenter des points de vue différents, parce que c'est vraiment là, c'est quelque chose qui a divisé la société québécoise de l'époque, là. Et tout ça, en plus, si on ajoute un peu, on l'a mentionné au départ, mais l'idée que de nous amener dans les prémices des techniques scientifiques utilisées dans les enquêtes criminelles, ben, ça aussi, ça devient un autre élément qui nous permet de comprendre aussi le scepticisme que certains pouvaient avoir face à ces méthodes-là qu'ils ne comprenaient pas. Ben oui, exactement, parce que c'était tout à fait nouveau. Non seulement on devait présenter la preuve, mais on devait expliquer comment cette preuve-là était obtenue. On devait expliquer qu'est-ce que c'était la balistique, et à des gens, j'imagine, là, il devait y avoir plusieurs des jurés qui ne savaient ni lire ni écrire là, dans le tas. Là. On le sait qu'à l'époque, l'éducation, il n'y avait pas d'éducation obligatoire là, pour public obligatoire. Donc, il y avait beaucoup de gens qui savaient ni lire ni écrire, qui se retrouvaient jurés et qui devaient se faire expliquer des bases scientifiques de la balistique et ensuite on leur présentait la preuve. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. La balistique est établie. On dit aux gens, voici la preuve balistique et voilà. Tandis qu'à l'époque, on devait expliquer la chose et c'était tout à fait nouveau. Ça s'était jamais fait. Donc, c'est sûr que les gens, pas sûr qu'ils avaient compris trop exactement qu'est-ce que le docteur de Rome leur expliquait. Et tout ça dans le contexte d'une bande dessinée, oui, volumineuse, mais quand même. Et donc, à travers tout ça, il y a beaucoup d'informations. Il y a le contexte historique, oui. Il y a le contexte scientifique, il y a l'enquête elle-même, il y a les personnages. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre pour pas nous écraser en dessous de cette information-là, mais au contraire, nous amener dans un récit qui est fluide, qui est haletant. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, la création des deux personnages fictifs permet d'expliquer des choses. Sans que ce soit trop didactique, c'est-à-dire en faisant de la journaliste une apprentie journaliste, le policier lui explique comment va se dérouler le procès. Et donc, il l'explique à travers un dialogue, au lieu d'avoir des notes en bas de page, voici le procès, comment ça se déroule, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai essayé de rendre ça le plus vivant possible à travers une enquête, puis en évitant... des scènes statiques, donc on se promène beaucoup dans Montréal, on va à différents endroits et ça permet d'avoir un récit un peu plus vivant. Et moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue lecteur, dans la mesure où, juste à travers tes deux derniers albums, donc Alan Smithy, MacGuffin et L'Affaire de l'Orme, donc on est dans le genre policier, mais dans deux approches qui sont aux antipodes. En fait, les deux doivent avoir un récit qui est haletant, qui est stimulant, qui est motivant, mais on n'a pas du tout les mêmes outils dans l'un ou dans l'autre. Là. Pas du tout, non. L'Affaire de l'Orme, le carcan était beaucoup plus serré. C'est-à-dire que j'avais une histoire bien précise, avec un début et une fin, avec des dates, des faits, des événements, des personnages qui existaient. Tandis que pour MacGuffin et Alan Smithy, le cadre est exact et précis. C'est-à-dire l'Expo 67, mais à ce moment-là, j'avais le terrain de jeu, si je peux dire, et je faisais ce que je voulais avec mes personnages. Donc, j'étais un peu plus libre, et donc, c'est pas du tout le même niveau là, de récit, parce qu'il y en a un, c'est ça, on sait comment ça finit, puis ça doit finir. Je dois partir de A et me rendre à B, tandis que l'autre, je partais de A et j'allais où je voulais pour arriver finalement à la fin. C'était beaucoup plus ludique travailler sur MacGuffin et Alan Smithy que de travailler sur l'Affaire de l'Homme, qui est vraiment plus précis. Oui, puis ça devient intéressant justement de jouxter, j'imagine, les deux projets un peu côte à côte, parce que ça te permet de pas complètement, pas passer, après avoir passé des mois peut-être à travailler sur un, mais de changer de registre un peu, mais en restant dans un genre que tu affectionnes. Oui, toujours. Ben, moi, j'aime bien l'histoire. J'aime bien les récits qui se passent à Montréal, au Québec. J'aime parce que l'histoire québécoise est riche en anecdotes, en petits faits. T'sais, ça, ça en est un. L'Affaire de l'Homme, c'est pas quelque chose qui a changé la société, mais c'est une anecdote intéressante qui montre bien qu'est-ce que c'était la société de cette époque-là. Mais donc, il y en a plein de petits événements comme ça qui mériteraient d'être explorés un peu plus en bande dessinée. Et c'est ce que j'essaye de faire. Donc, avec le premier MacGuffin qui se déroule à l'Expo, l'Affaire de l'Orme, le second MacGuffin qui s'en vient éventuellement, là, qui relate le voyage du général de Gaulle au Québec, etc. Là, je travaille sur un autre album plus policier pour Glénat qui va porter sur un gangster québécois. Donc, j'aime bien aller chercher ces petites anecdotes-là, puis de raconter donc des petits fragments de l'histoire du Québec. Oui, puis de nous le faire découvrir par différents mécanismes, différentes approches et différents contextes. Michel Viau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se dit à une prochaine. Ça marche. Salut bien. À bientôt. Alors voilà, je rappelle Michel Viau qui est aux côtés de Grégoire Mabi. Donc, on a affaire à l'Affaire de l'Orme, c'est chez Glénat. Et vous aurez compris en fait que c'est une histoire absolument ahurissante, la fiction qui rencontre la réalité et vraiment fait un livre pour les amateurs de récits policiers, de récits historiques qui sera, j'imagine, bien vous rejoindre. Alors toujours à la vie en BD sur CKRL 89.1. Puis, dernière ligne droite de la vie en BD pour cette semaine, on va prendre le temps de regarder à tout le moins un album que j'ai eu sur ma pile dans les dernières semaines. Je prends un peu de retard là-dessus. Ma pile s'accumule et j'ai l'impression que je ne sais plus lesquels dont je vous ai parlé et lesquels dont j'ai oublié de vous parler. Mais bref, on se rattrape. Et notamment, récemment, Xavier Coste qui offre A comme Eiffel. L'histoire en fait une biographie romancée de Gustave Eiffel, en fait, donc de l'homme de la tour, mais également de tout ce qu'il a fait autour de tout ça. Une occasion de découvrir ce personnage-là, mais avec un parti pris clairement assumé par Xavier Coste, d'ailleurs. Donc, un peu comme on disait dans l'introduction avec la rencontre avec Christian Quesnel, j'ai l'impression toujours qu'un a priori assumé parfois est intéressant, dans la mesure où si on fait pas le choix de l'objectivité, ben autant mieux aller à fond dans justement le côté ambiant, l'intimité. Et dans le contexte de cette biographie de Gustave Eiffel, on le retrouve un peu d'abord comme un romantique, si on peut dire, donc une histoire d'amour qu'il avait avec avec sa cousine, et une histoire d'amour qui l'a suivi toute sa vie à divers degrés, diverses influences, diverses situations. Et donc qui devient un peu le fil rouge, la dominante, si on peut dire, de ce récit, le fil intime auquel se jouxte la dimension historique, justement, donc avec la tour, certes, mais également les autres constructions qui viennent s'ajouter. Évidemment, la construction de la tour Eiffel qui reste l'élément central du récit, donc comment on l'a mené, certes, comment on l'a réalisé, mis en place, oui, mais, et peut-être surtout, les réactions qui ont suivi, puisque c'est un ouvrage qui, à l'époque, a été largement décrié par la presse, par la population, des critiques véhémentes. Il y a eu une disgrâce pour Gustave Eiffel par la suite, également dans un contexte plus financier. Donc, il y a un côté antisémite aussi qui en ressort. Bref, donc, une situation qui nous remet dans le contexte de la création de la tour, qui nous rappelle que cet objet désormais emblématique ne l'a évidemment pas toujours été, et qui, parallèlement, nous permet aussi de, justement, voir un peu le côté humain, au bout du compte, rattaché à tout ça. Donc, voir les réactions de Gustave, de ses proches et le reste. Donc, c'est joliment tout ça mis en scène. Donc, on suit un peu tout ça. Et en parallèle, il y a évidemment l'élément visuel qui ressort. Donc, quelque chose de très très léger, j'ai envie de dire, c'est pas le bon terme. Je suis persuadé que vous allez voir la BD, vous allez dire c'est pas le bon terme, Raymond, mais c'est le seul qui me vient présentement. Donc, au côté des jeux un peu aérien, un peu aquarelle, qui en ressort aussi, donc qui amène un côté contemplatif, si on peut dire, dans notre lecture de l'album, où on apprécie justement les compositions, la manière par laquelle il amène tout ça. Donc, bref, un joli plongeon dans le temps, ça c'est clair. Une belle occasion de découvrir certains aspects du parcours de Gustave Eiffel. Pas nécessairement une œuvre majeure et incontournable, cela dit. Donc c'est un peu ce qui ressort de tout ça, de cette œuvre-là. Est-ce que je vous la recommande? Jetez un coup d'œil et si ça vous attire, si ça vous parle, poursuivez le chemin, pourquoi pas. Alors voilà, c'est ce qui termine cette édition de La Vie en BD. Nous, la semaine prochaine, on aura Liv Tan qui sera en studio. On aura également l'occasion de jaser avec Stéphane Lemardelé de son nouveau monde paysan. Donc tout ça et plus la semaine prochaine à La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver comme ça ici sur les ondes du 89.1.